Alors, c'était Psychosonic sur les ondes de CHUO 89.1 FM. Alors, vous êtes présentement sur La Foutaise, qui est une émission temporaire qui remplace donc... c'était Gaia Spex, si je ne me trompe pas. Alors, eux autres sont partis en vacances pour l'été. Et puis, c'est ça, on les remplace donc pour une autre semaine ou deux, la semaine prochaine étant la dernière semaine. Cette semaine, on va concentrer particulièrement sur du techno dance, etc. Là, rien de particulièrement précis, là. C'est vraiment juste des tunes que je trouve vraiment bonnes. On va avoir Moby, du Robert Miles, LTJ Bucum, du Orbital, du Prodigy, du Lords of Acid, du Sean Imre, du Killing Joke, et puis on va avoir du Juno Reactor. Alors, c'était Psychosonic sur les ondes CHO 89.1 FM. On va pas parler longtemps aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de musique à vous faire jouer, de la vraiment bonne musique, en tout cas. Selon mes goûts. Et puis, c'est ça. La prochaine chose qu'on va faire, ça va être une demi-heure donc de musique straight. Si jamais vous avez des commentaires, vous avez des idées, ou si même vous voulez savoir c'est quoi que je suis en train de faire jouer, vous pouvez m'appeler ici au studio à 562-5967. C'est le 562-5967. Alors, appelez-moi pour me donner des commentaires, si je suis pourri, si je pue, ou bien même si les chansons sont bonnes, ou bien si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui devrait être amélioré. Alors, c'est ça. Donc, la prochaine tune, ça va être du LTJ Bucum. C'est une pièce intitulé, intitulé Devil ou quelque chose dans ce genre-là. Et puis, ça revient de la trame sonore de Jackal. Alors, une demi-heure de musique consécutive sur CHUO 89.1 FM. We'll be right back.

CHUO-FM 89, la radio communautaire de l'Université d'Ottawa, est à la recherche d'une directrice ou d'un directeur des ventes et de la promotion. La personne choisie sera responsable des ventes publicitaires de la station, incluant la vente de commandites et de temps d'antenne. Elle organisera aussi les activités promotionnelles de CHUO. Vous êtes motivé et enthousiaste, vous comptez au moins d'une année d'expérience dans la vente, vous êtes bilingue, organisé et par-dessus tout, vous aimez la radio? Postulez dès maintenant. CHUO offre un salaire de base, des commissions, un plan de boni compétitif et des avantages sociaux. Alors, envoyez votre CV ainsi qu'une lettre de présentation avant vendredi le 19 mai à 17h à l'attention du comité de sélection CHUO-FM 85 Université, suite 227, Ottawa-Ontario, K1N6N5 ou encore par télécopieur au 613-562-5848. Bonne chance! CHUO-89.1 FM. Votre diversité, votre radio. Ici DJ MC Gérard Latremoy Junior le Third. C'est juste pour vous dire qu'on va finir la foutaise avec 4 bonnes tunes qui vont faire sauter. C'est du Lord of Acid, du Killing Joke, du Prodigy, puis du Sean Emery. Pas nécessairement dans cet ordre-là. Appelez-nous au 562-5967 si vous voulez me parler d'insignifiance ou si vous voulez vous plaindre. Alors, à la semaine prochaine. Manila.